Exercice 1, première partie de l'enregistrement. Bonjour, vous êtes chez Orion, le spécialiste de la location de véhicules. Pour contacter notre département location, tapez 1. Pour parler avec notre département logistique, tapez 2. Sinon, veuillez patienter. Un de nos employés va répondre à votre appel.